que dans mes yeux tu peux lire à tout ce que je pense quand je raide la nuit. J'ai fait le tour de la ville, j'ai fait le tour de la ville. Le regard des gens, je m'en fous, c'est ma vie. Quand je m'habille, elle en fait trop. Qui est-ce qui commente mes photos? Lis mes chansons sur les réseaux. Je m'en fous du regard des autres. Ma vie n'est pas la vôtre n'est pas la mienne. Moi je dis chacun son dos. Je veux plus qu'on prenne la tête. Chante pas la pas. Paris c'est comme ça qu'on s'aime, oui. Pala pala, pala pala, pala pala. Apparemment c'est comme ça qu'on s'aime. Dans le métro tu cours, tu souffles, ta tête remplie.